Chapitre 13e, la cour d'assises. La scène que nous venons de retracer avait presque son pendant chez la duchesse de Vallombreuse, assise près d'une table dans le salon de l'hôtel qui lui servait provisoirement de demeure. Madame de Vallombreuse, un livre de prière à la main, était absorbée dans sa lecture. Dans l'embrasure d'une fenêtre, elle et Marcel faisaient de la tapisserie, échangeant de temps à autre quelques paroles à voix basse. Le jour touchait à son déclin, et l'ombre envahissait peu à peu l'antique salon. Les deux jeunes filles dressèrent tout à coup la tête. La cloche de l'hôtel venait de se faire entendre, annonçant une visite. « Sans doute, monsieur de Lavernay, » dit Marcel en regardant sa sœur qui, involontairement, se prit à rougir. « Ou peut-être le vicomte de Carlucet, » reprit Ève tout bas. Marcel rougit à son tour et attendit. Un domestique annonça monsieur de Lavernay et le vicomte. Les deux jeunes gens parurent presque aussitôt. Ils jetèrent un coup d'œil rapide vers l'embrasure de la fenêtre, puis ils s'avancèrent respectueusement près de la duchesse, qui leur tendit sa belle main. « Est-ce toujours pour demain ?» leur dit-elle en les invitant par un geste à s'asseoir. « Pour demain, » répondit Maurice de Lavernay. « Ah, je voudrais mourir pour 48 heures, » reprit madame de Vallombreuse, tant la pensée de comparaître devant un tribunal m'épouvante. Ces juges, ces jurés, cette foule, la vue de cette malheureuse jeune fille, il me semble que la voix me manquera quand on m'interrogera. « Mon Dieu, si Flavia allait être condamnée ?» dit Marcel en s'approchant. « C'est ce qui aura lieu selon toute probabilité, » répliqua le procureur de la République. « Mais vous aussi, monsieur, vous la croyez donc coupable ?» lui demanda Ève en le regardant avec des yeux étonnés. « Et vous, mesdemoiselles, après ce qui s'est passé au château de Faubourlois, devant vous, « vous la croyez donc innocente ?» dit le jeune magistrat. « Oui, » répondirent simultanément les deux sœurs. « Mais enfin, si madame votre mère avait pris ce breuvage, et si elle était morte ?»« Ma conviction sera la même, » répliqua Ève. « Et qui donc aura versé le poison ?» repartit monsieur de Carlucet. « Ce n'est pas le médecin, ce ne sont pas les domestiques qui se trouvent ailleurs, ce n'est pas vous, ce n'est pas mademoiselle Marcel, ce n'est pas davantage madame la duchesse. » À moins de lui prêter l'intention d'avoir simulé une tentative d'empoisonnement sur elle-même, afin de l'accuser ensuite de ce crime une innocente, ajouta M. de Lavernay. Le doute n'est pas possible. Assez, messieurs, assez, interrompit Madame de Vallombreuse d'une voix presque éteinte. Depuis un mois, je suis si cruellement éprouvée que tout ce qui touche à cette sinistre affaire me cause un ébranlement nerveux, et je crains de n'avoir pas la force de supporter l'épreuve qui m'attend demain. « Cette épreuve, madame la duchesse, se bornera un simple interrogatoire, » répondit Maurice de Lavernay. « C'est vrai, mais les paroles que vous venez de prononcer pour convaincre mes filles de la culpabilité de Flavia, son avocat, lui aussi, peut les prononcer dans l'intérêt de la défense, et si cela arrivait, j'en mourrais. »« Rassurez-vous, madame, » dit le jeune magistrat, « la défense, si grande que soient ses prérogatives, ne peut sortir de certaines limites. Ce fut-il même pour sauver la tête d'un criminel. » « Flavia peut donc être condamnée à mort ?» dit Marcel. « Sans doute, » répondit Maurice. Un double cri s'échappa de la poitrine des deux sœurs. L'ancienne résidence des ducs de Nevers est devenue le palais de justice actuel du chef-lieu du Nivernais. La salle qu'occupe la cour d'assises a un aspect grandiose et sévère. Le jour où les débats devaient s'ouvrir, et bien avant leur ouverture, une foule immense encombrait les abords du palais ducal. Les sergents de ville faisaient des efforts, souvent inutiles, pour maintenir l'ordre. On savait que les places réservées au public étaient peu nombreuses, mais les portes du palais ne s'en trouvaient pas moins assiégées par des flots humains toujours grossissants. Le tirage du jury devait avoir lieu à 9 heures. À 9 heures sonnant, on procéda au tirage au sort des jurys qui devaient siéger et de 2 jurés supplémentaires. Cela fait, les jurés s'installèrent dans le tribunal et un huissier, selon la formule consacrée, annonça l'arrivée des magistrats. « La cour, messieurs, chapeau bas, silence !» Le président déclare la séance ouverte. « Faites entrer l'accusé, » dit-il. Quelques instants après, une porte placée derrière le banc de la défense s'ouvrit. Flavia parut entre 2 gendarmes. Un frémissement d'admiration courut par toute la salle. Ses beaux cheveux aux reflets dorés, relevés sur la nuque, encadraient sa tête charmante. On eût dit un diadème sur un front royal. Tout le monde de la salle, sans même excepter les magistrats, ne put se défendre d'un vague sentiment d'intérêt à la vue de cette belle jeune fille sur laquelle pesait cependant une accusation si terrible. Le greffier lut l'acte d'accusation au milieu d'un profond silence. Flavia l'écouta sans tressaillir, sans pâlir. On aurait pu supposer à la voir qu'elle ne figurait dans les débats que comme simple spectatrice. « Accusée, levez-vous !» dit le président. Elle se leva et répondit d'une voix douce mais assurée à toutes les questions qui lui furent posées. N'ayant rien à cacher, il déclara que c'était elle qui avait préparé la potion prescrite par le médecin, elle qui l'avait présentée à la duchesse de Vallombreuse. Devant cette déclaration, toutes les physionomies s'assombrirent. Des paroles s'échangèrent à voix basse parmi l'auditoire. Les premières impressions sympathiques à l'accusé se dissipaient peu à peu. L'interrogatoire terminé, les dépositions des témoins commencèrent. Tous les domestiques du château furent unanimes à représenter l'accusée comme bonne et aimée de tout le monde. Le calme qu'avait montré Flavia jusqu'à ce moment l'abandonna. Elle ne put entendre, sans un profond attendrissement, ces naïfs témoignages qui s'élevaient en sa faveur. Le tour de la duchesse de Vallombreuse était arrivé. La duchesse, on se le rappelle, avait promis au vicomte du Carlucet d'exaucer les vœux suprêmes du duc et d'atténuer, autant qu'il serait à son pouvoir, les charges terribles qui pesaient sur Flavia. Elle déclara que si une tentative d'empoisonnement sur sa personne avait eu lieu, ainsi que l'affirmaient les hommes de la science, elle ne pouvait se l'expliquer que comme un acte de folie instantanée. Cette déposition, si favorable à l'accusé, fut accueillie par les murmures approbateurs de l'auditoire. Flavia, en entendant les paroles de la duchesse, bondit sur son banc, se dressant de toute sa hauteur. « Je n'accepte point, madame, les insinuations qui, tout en m'excusant, me représentent comme coupable d'un crime que je n'ai pas commis. J'avais toute ma raison à moi le jour de l'événement, et je le déclare, je ne veux pas devoir la vie, un mensonge. » Les auditeurs demeurèrent stupéfaits. Chacun se regarda comme pour se demander s'il avait bien entendu. Le président lui-même et les jurés furent un moment interdits. Quelques personnes cependant, ils étaient en petit nombre, virent dans ses paroles une preuve indiscutable de l'innocence de l'accusé. Maxou semblait radieux. La duchesse avait ressenti comme une secousse électrique. Elle voulait regarder celle qui repoussait si fièrement l'appui miséricordieux qu'elle lui apportait, mais ses jambes fléchirent et elle tomba sans connaissance sur son fauteuil. L'audience fut un instant suspendue. Le docteur Cavarox s'était précipité vers Madame de Vallombreuse. Il lui fit respirer des sels et peu à peu elle ouvrit les yeux, mais elle était très pâle. « Vos forces vous trahissent, Madame la Duchesse, » lui dit le président avec une bienveillance respectueuse. « Votre déposition est terminée, vous pouvez vous retirer. » « Mes filles doivent être entendues, » répondit-elle, « et je désirais être présente à cette épreuve si douloureuse pour elles. » Le président fit un signe d'assentiment, et la duchesse alla se placer près de la tribune des journalistes. Lucie appela Marcel de Vallombreuse. Marcel et Ève entrèrent dans la salle. En apercevant Flavia, elles s'élancèrent vers elle afin de la serrer dans leurs bras. Flavia, de son côté, tendit les mains vers les deux jeunes filles comme pour répondre à leur affectueux appel. Les dépositions des deux sœurs éclatèrent comme deux sanglots. Elles protestèrent dans les termes les plus éloquents de l'innocence de Flavia. Puis elles fondirent en larmes en lui envoyant des baisers avec la main. L'émotion gagna tous les assistants. L'accusée seule, ses regards tachés sur la duchesse de Vallombreuse, demeura impassible. Elle semblait vouloir lire sur son visage et dans ses yeux le mot de cette énigme épouvantable. La liste des témoins était épuisée. Le ministère public allait faire entendre sa parole. Nous ne reproduirons ici ni le réquisitoire du procureur général ni la plaidoirie de maître Maxou. Nous nous bornerons à dire que le jeune avocat s'éleva au plus haut degré de l'éloquence. Il fut tour à tour précis, brillant et passionné. Il fit tomber une à une toutes les charges qui pesaient sur l'accusé et démontra son innocence avec une admirable clarté. Les auditeurs et les jurés n'avaient jamais entendu de pareils accents. Ils se sentaient émus jusqu'au fond des entrailles. Si les membres du jury eussent été appelés à se prononcer en ce moment, sans aucun doute Flavia était acquittée. Mais il restait à entendre le résumé du président. Dans ce résumé concis, impartial, l'évidence des faits fit disparaître peu à peu l'émotion produite par l'éloquent défenseur. Au moment où le président allait demander à l'accusé s'il n'avait point d'observation à faire, le chef du jury pria le magistrat d'adresser à Flavia la question suivante. Avait-elle des ennemis, et supposait-elle que quelqu'un eût intérêt à la perdre ? « Vous avez entendu la question ?» dit le président à l'accusé. « Répondez sans crainte à la justice. » Flavia se leva. Elle était très pâle, et le tressaillement des muscles de son visage indiquait qu'elle était en proie à une grande lutte intérieure. Son regard alla droit à la duchesse qui, sur les prières d'Ève et de Marcel, était demeuré dans la salle pour connaître le jugement. Ce regard, aigu comme la pointe d'une flèche, semblait renfermer un défi ou une menace. On eût dit à la voir qu'une révélation instantanée venait de l'éclairer. Madame de Vallombreuse, à son tour, la regarda d'un air sombre. Le président répéta sa question. « J'ignore, dit enfin Flavia, sans quitter des yeux Madame de Vallombreuse, si je me suis fait un ennemi à mon insu, et si cet ennemi me poursuit lâchement de sa haine. Une seule personne peut le savoir. « Nommez cette personne, reprit le président. « C'est Madame la Duchesse, répondit-elle. Des murmures d'indignation s'élevèrent dans toute la salle. Maxou pâlit. « Vous venez d'entendre les paroles de l'accusé, poursuivit le président en se tournant vers la Duchesse. « Avez-vous quelque chose à répondre ?»« Je ne connais à cette malheureuse enfant qu'un ennemi dans ma maison, répliqua-t-elle, et j'ai dit en sa faveur tout ce que prescrivait l'intérêt que je lui ai toujours porté et ma conscience. » La cause était entendue. Les jurés entrèrent dans la chambre des délibérations pour répondre aux questions posées par l'accusation. Flavia fut emmenée hors de la salle. Elle ne devait plus y reparaître qu'au moment où le chef du jury ferait connaître le verdict.